Les Chouans, d'Honoré de Balzac. Alors les Chouans, donc, c'est pas les Vendéens ici, hein, c'est les Bretons. Alors il y a, c'est l'histoire de d'une des dernières guerres contre les Chouans de Bretagne. Alors, il n'y a pas besoin de s'enfoncer loin en Bretagne, puisque ça se passe aux marches de Bretagne. En fait, ça se passe près de Fougères, et même à Fougères et à l'est de Fougères. Donc vraiment, le tout début de la Bretagne. Alors, ça se passe en 1799, les derniers soulèvements, en fait, alors que la Vendée était déjà matée. La date révolutionnaire, c'est en l'an 8, commencement du Vendémiaire. Bon, tout ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, j'ai lu le livre il y a un certain temps, quelques mois, donc je me souviens plus très bien des détails du tout, les noms des personnages, tout ça, ça m'est complètement sorti. Hein. Bon, c'est en fait une des premières œuvres de Balzac, si j'ai bien compris, voire même son gros premier roman. Et je ferai un parallèle avec Hugo et Notre-Dame de Paris. Alors peut-être que Notre-Dame de Paris est mieux, hein, je dis pas. Mais c'est aussi plus longuet. On voit les qualités de Balzac, la langue notamment, mais on voit le souffle aussi, oui, il y a un certain souffle. Mais enfin, on voit aussi sa naïveté quand même, hein, parce que, bon, alors, je vois ça avec des yeux d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu bête, quoi. C'est un peu bête. Il veut en rajouter. Il veut rendre épique ce qui n'est pas tant que ça. Et ça se sent. Bon, une des premières choses qui frappe, c'est le côté parisien stupide par rapport à la Bretagne. C'est-à-dire, pour lui, la Bretagne, c'est un peu, c'est aussi exotique que pour nous, un peuple d'Amazonie. Hein. On leur prête tout et n'importe quoi. Hein. Alors aussi, c'est aussi exotique qu'un peuple d'Amazonie vu il y a 100 ans. Donc en plus, ou 150 ans, donc avec un condescendance extraordinaire, il n'y a aucune. C'est même pas aussi bien qu'un peuple d'Amazonie vu d'aujourd'hui. Voilà, donc. Bon. Je passe sur tout le truc, mais enfin bon, les Bretons sont à peine sortis de l'âge de pierre. Hein. Ce qui peut-être ce que j'ai préféré, bon, au-delà du fait historique, hein, parce que je pense que ça s'appuie globalement sur les dernières guerres de Bretagne, en fait, les dernières guerres contre la République pour asseoir la République en France. Bon, ça d'accord. Enfin, les dernières guerres jusqu'aux suivantes. Mais bon, ça d'accord. Mais surtout, c'est l'ambiance qui peut exister, en fait. C'est un témoignage. Je pense qu'il doit dater, je sais plus bien, ça a dû être écrit trois décennies plus tard, à peu près 3-4 décennies plus tard, peut-être dans les années 30, 1830. Donc c'est intéressant parce que c'est toujours un petit ce qu'on voyait de l'époque avec un recul, mais enfin bon, c'est comme si aujourd'hui on parlait des années 70, quoi. On parlait de Giscard, c'est à la fois très loin, très proche, enfin bon. Donc c'est quand même de quoi il parle sur le plan. D'une part, de la vision du monde des personnages, même s'il peut romancer à mort, ça évidemment, puisque c'est pas. Je pense que c'est quand même. C'est une histoire romancée. Même s'il parle d'un chef breton qui. Ça doit s'inspirer d'un véritable chef breton. Mais c'est l'ambiance globale, hein, le. Ne serait-ce que quand il décrit les rues, c'est comme quand Victor Hugo essaye de décrire les rues au XIIe siècle à peu près, de Paris. Bon, c'est à la fois fastidieux pour le Victor Hugo, mais enfin là c'est au moins c'est intéressant parce que ça nous aide à voyager un peu quand même dans le dans les différences parce que ce que ça n'est plus, ce que ça a été, etc. Et notamment un point, alors c'est complètement désuet sans doute dans le dans la perspective du roman, mais intéressant pour moi, c'était la description des bocages, du bocage à l'est, nord-est, enfin bon, de Fougères. Et c'est intéressant parce que il semble décrire quelque chose qui ailleurs n'est pas comme ça. Alors bon, il part pas dans une comparaison, c'est pas, s'en fout. Hein. Il veut juste montrer que ce sont des contrées, comment dirais-je, bah justement comme les peuples d'Amazonie, presque inaccessibles, très difficile pour les républicains d'y pénétrer parce que c'est un dédale de sentiers au milieu des champs, eux-mêmes entourés de grandes haies avec des talus énormes. Et c'est vrai que c'est assez passionnant ça, parce que bon, quand on aime randonner dans le coin, oui, il y a des endroits comme ça, mais bon, je pense un peu partout en France, mais enfin ici entre autres en Ille-et-Vilaine. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que il décrit très bien l'ambiance. On imagine bien, c'est un peu aussi toute proportion gardée, hein, mais on en parlait pas mal au moment du débarquement des Américains en Normandie et dans le Cotentin, quand ils devaient, il paraît qu'ils ont enfin beaucoup souffert à progresser dans les chemins de dans le bocage normand. Les chars étaient arrêtés par les, avaient quand même du mal à passer les talus, etc. Donc c'était, puis les embuscades étaient possibles. Alors on imagine à l'époque des Vendéens où c'était encore plus fort, quoi. Pacifier une région comme ça, il fallait occuper tout le terrain. Bon. Donc ça c'est intéressant, je trouve. J'ai appris un détail intéressant, c'est que justement les chemins qui sont entre ces grands talus, qui eux-mêmes sont la frontière des champs, ces chemins étaient souvent complètement boueux. Alors c'est une des choses qui m'a souvent gêné quand je randonne, c'est ça, c'est le côté boueux et affreux. On a l'impression de marcher au seul endroit où c'est impraticable, en fait. Bon, c'est un classique. Il en parlait à l'époque. Donc finalement, je me dis déjà, ça, c'est pas une nouveauté. À force de canaliser comme ça, faire des routes, ça faisait aussi des ruisseaux, à la limite, hein, parfois. Donc ça, c'est un premier point qui m'a amusé. Surtout quand j'ai appris que... Alors, il faisait la même chose que ce que je fais parfois en randonnant. C'est-à-dire que, en randonnant, on monte sur le talus, on passe les arbres, et on marche à la lisière du champ entre les arbres et le talus. Et parfois c'est un véritable petit sentier. Et c'est effectivement la même chose du temps des Chouans. Il y avait un sentier. En gros, le sentier pour piétons était en haut du talus ou légèrement du côté du champ. Enfin, de l'autre côté du talus, mais enfin bon. Et le sentier lui-même, le gros chemin, lui par contre, a été réservé aux charrettes, à tout ce qui devait passer là. Mais les piétons passaient plutôt en haut sur les chemins, enfin dès que c'était détrempé. Donc c'était pensé un peu comme une route aujourd'hui avec les trottoirs finalement. Pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, l'axe central pour les véhicules, les chevaux, les véhicules roulants, et les bas-côtés pour les piétons. Enfin, le côté pour les... Là c'est pas un bas-côté, c'est plutôt le côté. Pour les piétons, c'est plutôt un haut côté. Voilà, c'est un détail, mais ça m'a marqué, faut croire, puisque après quelques mois, c'est ça dont je me souviens. Bon, donc c'est terrible sur le rapport aux Bretons. C'est assez fin sur le plan de la séduction. C'est peut-être un des points forts aussi. On sent, il n'y a pas grand chose à envier à certains passages de Chauderlot de Laclos, hein, quand les deux personnages se séduisent. Il y a un second degré permanent, empreint de premier degré, c'est-à-dire que chaque personnage a envie de séduire l'autre. L'autre est charmant, l'autre est beau. Bon, il y a deux héros, un officier donc royaliste et une espionne, bon, de la noblesse, hein, mais qui travaille pour la République. Hein. Voilà. Et donc, qui vont tomber amoureux. Mais en permanence, on sera entre deux. entre séduire par intérêt, surtout pour elle, puisque c'est sa mission de séduire le royaliste, et en même temps plaire. Et attiser l'amour de l'autre. Alors lui, il est un peu moins là-dedans. Mais alors de par la situation, peut-être parce que c'est un homme, c'est toujours le cliché des femmes qui manipulent un peu les hommes par rapport à l'amour là, bon. Mais quand même une grande finesse de discussion entre les deux. Il y a quelques échanges qui sont quand même assez fins sur le sur l'amour, sur le ce qui séduit. Et c'est d'ailleurs alors ça m'a rappelé, oui, là, maintenant que je l'évoque, ça m'a rappelé beaucoup un passage de Cohen, d'Albert Cohen, dans Bête du Seigneur, quand Solal, pour séduire Ariane, finalement, bon, sans la séduction, il la séduisait, enfin, il arrivait à rien. C'est-à-dire, en se présentant en lady, moche et vieux, et pauvre, bah, il arrive à rien. Ok, bon, ça, c'est normal. C'est terrible, c'est le normal, mais voilà, ça fait mal. Bon, c'est certain, bon, on pourrait en parler longtemps. Mais ensuite, il dit, ben, je te séduirai comme les autres. Je te séduirai comme les autres. Et quelque part, ce qui a rendu Solal séduisant aux yeux d'Ariane, c'est sa capacité à expliquer en quoi lui... Il avait du recul par rapport à cette séduction. Que lui n'était pas dupe de tout ça. Lui, il savait ce qui séduit les gens et qu'il n'allait pas en abuser. En fait, ce faisant, il fait une séduction au second degré. Alors, séduction premier degré, bon voilà, on montre toutes ses qualités. Et la séduction au second degré, on dit comment on séduit au premier degré. Et ça marche très bien. Alors sur ça dépend qui, comment, quoi, que. En tout cas pour Ariane, ça marche très bien. Et entre l'héroïne, alors je sais plus, Marie je crois elle s'appelle. Et lui j'ai oublié, il a un prénom qui fait moins glamour aujourd'hui. Alors ça marche un peu moins. Enfin ça marche moins, qu'est-ce que je dis ? Non, ça marche un peu comme ça aussi. Il parle beaucoup de la façon, elle parle beaucoup de la façon de pas le séduire ou de... Elle ne peut pas se laisser séduire, mais en faisant comme si elle était intéressée. Enfin bon, c'est une vraie manipulation. Ça rappelle là un peu Chauderlot de Laclos, mais un peu Cohen aussi dans ça. Alors est-ce qu'Albert Cohen a lu Les Chouans ? Ça, c'est une belle question. Et quand bien même, est-ce que ça aurait du sens de dire ce que je viens de dire ? Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours amusant chez ces auteurs fins psychologues. Montrer la séduction par un discours sur la séduction. Alors, la séduction reposant sur un discours sur la séduction, c'est quand même assez malin. Voilà. Donc, c'est la République qui envoie cette espionne, et puis ça va être une histoire de chat et de la souris, de séduction, pas séduction, dans la campagne, autour de Fougère et à Fougère. Pendant X centaines de pages, je sais plus combien, mais enfin 300 pages, enfin bon. Voilà, donc c'est très... Alors il y a aussi d'autres personnages, hein, notamment un autre, enfin deux autres on peut dire, mais du côté républicain, il y a deux personnages importants. Il y a le soldat, droit, honnête, un peu bourru, mais bon. Qui veut attraper le méchant monarchiste et un espion qui donne des ordres à Marie qui est beaucoup plus retors, qui est vraiment le mauvais personnage, qui veut aussi avoir Marie mais qui l'aura pas. Et d'ailleurs donc bon bah voilà, si on veut pas connaître la fin, on s'arrête là et ça se termine très mal pour les deux héros qui meurent ensemble, mais qui meurent dans l'amour, qui meurent fort de leur amour réciproque. Donc ça, c'est le côté romantique de Balzac. Alors, au début, quelque chose qui dérange beaucoup, beaucoup, enfin qui me dérange beaucoup, c'est que Balzac écrit au second degré aussi. Il parle de sa façon d'écrire. Bon, c'est, j'aimais pas du tout. Il fait des effets de manche là. Il fait peut-être moins ça après. Ou alors, soit je me suis habitué, soit il le fait moins. J'ai l'impression qu'il le fait moins. Et c'est vrai que c'est quand même assez dérangeant parce que, enfin, on sent le petit malin quoi. On sent le petit malin. C'est pas terrible. Je trouve pas ça très intéressant. On sait pas aussi s'il est assez admiratif du monde militaire. Enfin, il y a quelque chose. Bon. Il est aussi respectueux d'une certaine manière de la monarchie. Mais enfin, vu la date à laquelle il écrit, il est quand même dans la monarchie. On dirait qu'il... Enfin, je sais pas, si je me trompe pas sur les dates. Hein, mais a priori, il est républicain dans l'âme quand même. Mais... Il ménage bien les idéaux monarchistes. Voilà. Là, c'est pas évident, mais là, il donne des arguments, les arguments des monarchistes, ce qu'on n'entend pas beaucoup, nous, là, c'est quoi, un argument de monarchiste. Il en donne. Par contre, il se moque beaucoup de la religion. Là, il est assez dur avec la religion. Finalement, c'est intéressant, on pourrait dire que quand même. Les monarchistes, ils travaillent pour eux. La religion, bon, elle a été leur alliée, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a d'intérêt ? Il n'y a pas que ça dans la religion, il y a autre chose, il y a du bien aussi. Lui, c'est un peu l'inverse. Les monarchistes, bon, ils sont stupides, mais ils défendent leur cause, c'est important, ce qu'il y a de positif, bon, voilà. Par contre, les religieux, là, c'est vraiment des abuseurs de peuple, quoi. C'est vraiment... ils manipulent le peuple pour les pousser à la violence, et d'ailleurs c'est bien décrit ça par Balzac à un moment, à quel point une vraie religion peut pas pousser les hommes à se battre. Donc ça c'est intéressant, sa réflexion là-dessus c'est pas mal, surtout qu'ils sont vraiment montrés l'obscurantisme, la religion comme obscurantisme, hein. Bon, mais pas uniquement, hein. Il a pas un discours uniquement dans ce sens là mais c'est l'un des discours intéressants du livre. Voilà, sur l'histoire, hein. Voilà. Quelques passages que j'ai aimés. Ah oui, donc 400 pages plutôt le livre. Hein. 400 pages. Voilà, il décrit des soldats. Ce détachement, divisé en groupes plus ou moins nombreux, offrait une collection de costumes si bizarres et une réunion d'individus appartenant à des localités ou à des professions si diverses, qu'il ne sera pas inutile de décrire leurs différentes caractéristiques pour donner à cette histoire les couleurs vives auxquelles on met tant de prix aujourd'hui. Quoique, selon certains critiques, elle nuise à la peinture des sentiments. Franchement, démarrer une œuvre comme ça, moi, ça m'énerve. Il a peut-être autre chose à faire, Balzac, que de nous expliquer ce qu'il va faire, qu'à la limite, il trouve ça con, mais que, bon, les critiques disent que c'est bien, parce que, mais le défaut, c'est que ça fait ça. Enfin, bon, c'est quand même fou, quoi. Ça ne nous concerne pas. Bon, enfin... C'est quand même amusant de le voir démarrer. Ça, c'est la première page. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il s'est calmé. Mais au début, il parle pas mal de son propre style. On sent qu'il parle à la critique. Et il se parle aussi à lui-même en disant, voilà, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que j'ai tenté de faire. Il est peut-être perdu dans sa difficulté. Alors... il parle donc de la façon dont la bande de soldats bretons, hein, donc c'est les révolutionnaires, enfin c'est les forces contre-révolutionnaires qui sont habillées, hein, vraiment comme des animaux. Hein. Le fil mal tendu, hein. Les mèches plates de leurs longs cheveux s'unissaient si habituellement aux poils de la peau de chèvre et cachaient si complètement leur visage baissé vers la terre qu'on pouvait facilement prendre cette peau pour la leur et confondre. À la première vue, c'est malheureux avec les animaux dont les dépouilles leur servaient de vêtements. Rien que ça. Bon, Ça, c'est vraiment du... Voilà, on fait du grand spectacle. Mais à travers ses cheveux, l'on voyait bientôt briller leurs yeux comme des gouttes de rosée dans une épaisse verdure. Et leur regard, tout en annonçant l'intelligence humaine... Ah, quand même. Enfin, les hommes, quoi. C'est des hommes. Causait certainement plus de terreur que de plaisir. On sent qu'il veut faire peur, quoi. C'est un peu... bon. Je sais pas, c'est... On voit d'où vient Bécassine, quoi. Ça n'a pas été improvisé à l'époque de Bécassine. Hein. Ça vient de loin. Alors, un autre passage. Ces jeunes gens que la défense de la patrie avait arrachés, comme tant d'autres... Alors là, c'est républicain. Comme tant d'autres, à des études distinguées et chez lesquelles la guerre n'avait pas encore éteint le sentiment des arts. Donc là, je trouve ça sympa de montrer que la guerre éteint quand même le sentiment des arts. Je disais qu'il était admiratif, peut-être pas complètement. Alors, ensuite, citation suivante. Tout à coup, il sentit combien son expérience était utile au salut de sa troupe et descendit. Son visage devint plus sombre, car dans ces temps-là, les chefs regrettaient toujours de ne pas garder pour eux seuls la tâche la plus périlleuse. Alors ça, c'est marrant. Donc il sous-entend qu'à l'époque, les chefs de l'armée étaient courageux, qu'ils prenaient des risques, que donc ils prenaient même les plus grands risques. Et que alors 30 ans plus tard, ça a disparu, ça, hein. Ça fait sourire aujourd'hui. Hein. C'est toujours c'est plus que jamais les pauvres soldats qui crèvent et pas leurs chefs. Alors, une autre citation, je sais pas de quoi vraiment ça parle. La coalition finira par nous écraser. Malheureusement, le seul général qui puisse nous sauver est au diable, là-bas, en Égypte. Comment reviendrait-il au surplus ? L'Angleterre est maîtresse de la mer. Donc il y a déjà cette admiration pour Napoléon qui semble... Enfin, admiration. Moi, je pense qu'il anticipe un peu quand même. Je sais pas si en 1799, il y avait déjà cette aura pour Napoléon. Possible. Mais je pense que c'est facile, 30 ans après, d'annoncer le grand homme, quoi. Désiré par le peuple entier. Alors, il fait dire aussi à un soldat, c'est le genre de phrase, je ne sais pas si c'est ce que pense Balzac. Bon. Oh, si l'armée ne se mêle pas un peu de notre gouvernement, les avocats nous remettront plus mal que nous ne l'étions avant la Révolution. Est-ce que ces chafouins-là s'entendent ? Est-ce que ces chafouins-là s'entendent à commander ? Bon, moi je trouve que ça c'est intéressant. Une petite phrase comme ça... qui réclame l'intervention de l'armée pour protéger la révolution. Donc l'armée dans le gouvernement, bon, c'est pas s'il se rend bien compte de ce qu'il dit. Enfin, c'est un personnage qui le dit. Hein. Et surtout, oui, j'ai trouvé que, enfin, bon, là, on va pas lire tout le contexte, mais c'était hors de propos. Donc c'est intéressant une discussion hors de propos pour donner son avis politique. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était l'avis de Balzac, parce que ça paraissait un peu anachronique, on va dire, par rapport à la situation. Et voilà. Alors, une autre citation. Alors, donc là, c'est la séduction, c'est les fameuses scènes de séduction entre Marie et puis son amant. Là. Enfin, qui n'est pas encore son amant. Hein. Alors, cessez, je vous prie, dit-elle, de m'entortiller dans ces petites idées de boudoir, dans ces logogriffes de ruelle. C'est peut-être pas avec lui. Hein. Bon. Je n'aime pas à rencontrer chez un homme de votre caractère l'esprit que les sots peuvent avoir. Ah, voilà. Non, c'est bien avec lui. Donc, mais vous êtes trop bien pour dire des conneries comme ça, quoi. Voyez, nous sommes sous un beau ciel, en pleine campagne. Devant nous, au-dessus de nous, tout est grand. Vous voulez me dire que je suis belle, n'est-ce pas ? Mais vos yeux me le prouvent. Et d'ailleurs, je le sais. Mais je ne suis pas une femme que des compliments puissent flatter. Voudriez-vous, par hasard, me parler de vos sentiments ? Dit-elle avec une emphase sardonique. Me supposeriez-vous Donc la simplicité de croire à des sympathies soudaines, assez fortes pour dominer une vie entière par le souvenir d'une matinée. Donc ça, c'est quand même assez, je trouve assez beau et assez fin. Bon, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que elle démonte les ressorts de l'amour pour mieux lui montrer son esprit, finalement. J'avais pas mal réfléchi à ça, j'ai l'impression que au-delà de montrer sa finesse d'esprit en faisant ça, d'une certaine manière, on montre aussi à quel point, si on vous trouve bien, parce qu'elle est en train de dire qu'il a de l'esprit, c'est que plus elle montre qu'elle est intelligente, tout en disant que lui, c'est un homme d'esprit, ça veut dire que, donc ça flatte autant l'autre qu'elle-même. Elle, indirectement, montre qu'elle a de l'esprit, mais lui, il peut s'en apparaître aussi très, très flatté. Et si elle a de l'intérêt pour lui, malgré le fait qu'elle ne soit dupe de rien, c'est qu'elle l'aimerait pour des raisons encore plus profondes et plus fortes. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est le ressort de ce mécanisme-là. Il lui demande si elle est heureuse. « Oh, heureuse !» reprit-elle. « Non. Si je viens à penser que je suis seule, dominée par des conventions sociales qui me rendent nécessairement artificieuse, j'envie les privilèges de l'homme. » Ça, c'est intéressant, quand même. C'est presque du Sade. « Mais si je songe à tous les moyens que la nature nous a donnés pour vous envelopper, vous autres, pour vous enlacer dans les filets invisibles d'une puissance à laquelle aucun de vous ne peut résister, alors mon rôle ici-bas me sourit. » Voilà. Alors il dit à la fois le désavantage culturel des femmes, hein, elles sont prises, et en même temps la nature, la culture défavoriserait les femmes et la nature leur donnerait toute la force, ce qui est très discutable. Par contre, il y a quand même le double aspect. À la fois, effectivement, on n'est pas libre, mais on sait vous entortiller, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, d'aucuns disent que finalement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est la nature, cette force, cette emprise qu'ont les femmes sur les hommes. Où est-ce que j'avais lu ça? Ça n'était dû qu'à la culture. En gros, dans un monde de nature, la puissance de l'homme fait que s'il veut une femme, il la prend, point. Il n'a pas à subir ses... Alors c'était presque dit comme ça, mais je sais. Et que si elle a une emprise, si les femmes ont un pouvoir sur les hommes, c'est justement en raison de la... De la culture, finalement, qui équilibre les forces. Alors je continue. Et tout à coup, il me semble petit. Donc, attends, qu'est-ce qui semble petit? Je sais pas. À laquelle aucun de vous ne peut résister, alors mon rôle ici-bas me sourit. Le rôle est petit, puis tout à coup il me semble petit, le rôle peut-être. Et je sens que je mépriserais un homme s'il était la dupe, une dupe, je sais pas si c'est un dupe, une dupe, de séduction vulgaire. Voilà, hein. Et ben, c'est exactement ce que je disais, voilà, finalement elle... Puisque moi je ne vous méprise pas, c'est que vous n'êtes pas dupe de séduction vulgaire, donc je vous parle intelligemment, parce que voilà, blablabla. Bla, bla. Encore une flatterie déguisée. Un petit peu. Enfin, tantôt j'aperçois notre joue. Et il me plaît. Puis il me semble horrible, et je m'y refuse. Ça c'est intéressant, quand même, je trouve. Enfin bon, c'est un homme qui parle et puis c'est Balzac. Mais enfin, c'est pas pour autant qu'il dit que des conneries. C'est... Tantôt je sens en moi ce désir de dévouement qui rend la femme si noblement belle. Ah ! La femme se dévoue, hein. C'est sa nature de mère. Voyons. Puis j'éprouve un désir de domination qui me dévore. Peut-être est-ce le combat naturel du bon et du mauvais principe qui fait vivre toute créature ici-bas. Ange et démon, vous l'avez dit. Ah ! Ce n'est pas d'aujourd'hui que je reconnais ma double nature. Mais nous autres femmes, nous comprenons encore mieux que vous notre insuffisance. N'avons-nous pas un instinct qui nous fait pressentir en toute chose une perfection à laquelle il est sans doute impossible d'atteindre? Mais ajouta-t-elle en regardant le ciel et jetant un soupir, ce qui nous grandit à vos yeux. C'est, point d'interrogation, dit-il. Eh bien, répondit-elle, c'est que nous luttons toutes, plus ou moins, contre une destinée incomplète. Ça, c'est quand même le côté progressiste de Balzac. Hein. Il est à la fois un peu, bon, il essentialise un peu la femme, ça, ok. Mais je pense que quand même, lutter contre une destinée incomplète, c'est encore ce qu'on entend aujourd'hui. Enfin, de la part de femmes qui regrettent, qui ont le sentiment d'être brimées dans leur... Voilà, et j'écrivais à côté que, comme dans Belle du Seigneur, la séduction ultime vient de l'exposition des ficelles de l'amour, de la déconstruction. Mais là, c'est la femme qui le fait, alors que dans Belle Cohen, c'était Solal. Pourquoi cette séduction? Alors qu'on joue au blasé, ouais. Alors, ça, c'est ce sur quoi j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être parce que ça montre aussi son côté humain, parce que en dépit de la lucidité devant tout ça, on tombe amoureux, bêtement. Ce qui flatte l'ego de l'autre, finalement. C'est pas fou, dis-je. Alors, après... 312, 74... 453... Une grosse citation. Autour de chaque champ, et depuis un temps immémorial, les paysans ont élevé un mur en terre, haut de 6 pieds, de forme prismatique, sur le faîte duquel croisent des châtaigniers, des chênes ou des hêtres. Ce mur, ainsi planté, s'appelle une haie. La haie normande, justement. Et les longues branches des arbres qui la couronnent, presque toujours rejetées sur le chemin, décrivent au-dessus un immense berceau. Les chemins, tristement encaissés par ces murs tirés d'un sol argileux, ressemblent aux fossés des places fortes. Et lorsque le granit qui, dans ces contrées, arrive presque toujours à fleur de terre, n'y fait pas une espèce de pavé raboteux, ils deviennent alors tellement impraticables que la moindre charrette ne peut y rouler qu'à l'aide de 2 paires de bœufs et de 2 chevaux petits, mais généralement vigoureux. Ces chemins sont si habituellement marécageux que l'usage a forcément établi pour les piétons, dans le champ et le long de la haie, un sentier nommé une rotte, R-O-T-E, qui commence et finit avec chaque pièce de terre. Pour passer d'un champ dans un autre, il faut donc remonter la haie au moyen de plusieurs marches que la pluie rend souvent glissantes. Voilà, je trouve ce passage formidable. Mais ça n'intéresse que moi, ça. Mais bon... Alors, beaucoup plus près de la fin. Marie reprit Francine, c'est la bonne de Francine. C'est c'est la Bécassine un peu. Non, enfin, une super Bécassine, parce qu'elle est dévouée. Elle est intelligente, mais bêtement dévouée. Hein, complètement dévouée. Et bon, très fine quand même, mais elle est sous la domination complète de Marie. Marie reprit Francine avec une douceur angélique. Comme tant d'autres, soyez victime de votre amant. Mais ne vous en faites ni sa maîtresse, ni son bourreau. Gardez son image au fond de votre cœur, sans vous la rendre à vous-même cruelle. Ni victime ni le bourreau, ça veut dire qu'il ne faut pas succomber non plus, il faut rester chaste. Gardez son image au fond de votre cœur, sans vous la rendre à vous-même cruelle. S'il n'y avait aucune joie dans un amour sans espoir, que deviendrions-nous, pauvres femmes que nous sommes? Alors ça c'est magnifique. S'il n'y avait aucune joie dans un amour sans espoir, que deviendrions-nous, pauvres femmes que nous sommes? Ce Dieu, Marie, auquel vous ne pensez jamais, nous récompensera d'avoir obéi à notre vocation sur la terre, aimer et souffrir. Alors là, par contre, putain. Bon, il se moque un peu, hein, il se moque un peu, puisque, bon, c'est son côté, je me moque un peu du côté religieux, mais bon. Je pense qu'il y a une part de... c'est sa façon d'essentialiser les femmes, quand même, hein. C'est pas complètement fin tout ça. C'est pas que de l'humour, je pense. Mais enfin, bon, il y a un peu de mépris peut-être pour la Bécassine. Alors, une dernière citation. Une heure après, elle se trouva seule avec son amant dans la chambre voluptueuse qu'elle avait si gracieusement disposée. Ils arrivèrent enfin à ce lit fatal où, comme dans un tombeau, se brise tant d'espérance, où le réveil a une belle vie et si incertain, où meurt, où naît l'amour, suivant la portée des caractères qui ne s'éprouvent que là. Alors ça, je trouve formidable, hein, parce que là, Balzac, avec une certaine pudeur, il arrive à dire des choses. Ils arrivèrent enfin à ce lit fatal, où comme dans un tombeau se brise tant d'espérance, où le réveil à une belle vie est si incertain, où meurt, où naît l'amour suivant la portée des caractères qui ne s'éprouvent que là. Eh ben dis donc. Donc sous-entendu, à cause du sexe, on entre comme dans un tombeau. Donc déjà, en fait, c'est le moment où on y arrive une fois marié, en fait. Donc c'est déjà... D'ailleurs, il se marie en catimini juste avant. Hein. C'est un peu... Bon. Donc, une fois marié, on découvre trop tard ce qu'il y a dans la boîte, quoi. Donc, ce brisant d'espérance, bah, l'autre est un mauvais coup, quoi. On sait pas, quelque part là, il sexualise pas pour une fois, c'est valable pour les deux. Où le réveil à une belle vie est si incertain, ouais, on n'est pas encore bien sûr, hein. Bon, ça, ok, ouais. Où meurt ou naît l'amour. Haha. Alors, j'adore, suivant la portée des caractères qui ne s'éprouvent que là. Ouais. Il a raison, hein, c'est le caractère qui fait un bon coup, mais c'est amusant quand même. Suivant la portée des caractères qui ne s'éprouvent que là. Savoir si on est pas frigide, comment on est, quoi, dans l'acte d'amour. Enfin, c'est assez amusant quand même. Voilà. Bon, bah finalement, il y a de belles citations quand même. Je trouve qu'il y a de belles choses. Non. C'est quand même du Balzac, quoi. Mais il faudra que je lise autre chose pour avoir envie de lire autre chose. C'est tout le problème, d'ailleurs. Bon, voilà, c'était donc Les Chouans de Balzac, d'Honoré de Balzac, et c'est partie intégrante de la comédie humaine. Dans la comédie humaine, il y a plusieurs dimensions, il y a l'armée, les bourgeois, etc. Il y a enfin les actes un peu d'histoire, de guerre, etc. Et ça en fait partie, Les Chouans.